Apocalypse chapitre 9. Alors le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Et de la fumée du puits il sortit des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit, qu'elles ne nuisissent point à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front. Et il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois, et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, mais la mort s'enfuira d'eux. Or la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête il y avait, comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots, quand plusieurs chevaux courent au combat. Et elles avaient des queues semblables à des queues de scorpions, et avaient des aiguillons en leur queue, et leur puissance était de nuire aux hommes durant 5 mois. Et elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu, Abaddon, et dont le nom est en grec Apollyon. Un malheur est passé, et voici venir encore 2 malheurs après celui-ci. Alors le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant la face de Dieu, laquelle dit au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » On délia donc les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre de l'armée à cheval était de 200 millions, car j'entendis que c'était là leur nombre. Et je vis aussi dans la vision les chevaux, et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, savoir par le feu, par la fumée, et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur puissance était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents, et elles avaient des têtes par lesquelles elles nuisaient. Mais le reste des hommes qui ne furent point tués par ces plaies, ne se repentit pas des œuvres de leurs mains, pour ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni lire, ni marcher. Ils ne se repentirent point aussi de leurs meurtres, ni de leurs empoisonnements, ni de leur impudicité, ni de leur larcin.